Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit... Par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... Donc voilà, c'est toujours ça en radio, on voit pas, hein, mais on marche, on est dans la nature. Ça, ouais. Je crois qu'on entend quand même un petit peu le vent là avec le micro. Oui, ici, ben, on est pas mal exposé ici, on est vraiment en plein vent. D'ailleurs, on voit des éoliennes au loin, c'est vraiment pour dire... Ah ouais, on voit des petits bouts d'éoliennes, hein, ouais, il faut le savoir. Hein. Oui, ouais, mais c'est les éoliennes de Sombref en fait, hein, donc on voit assez loin, ici on a une belle vue. C'est vrai, je confirme. Et donc, rencontre ici de Monsieur Minet, mais je ne me souviens plus de votre prénom. Anthony, voilà. Ouais, Anthony. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle l'histoire d'Anthony, en fait. Hein, voilà l'explication. Et alors, ici, donc, on est sur mes parcelles. J'ai trois parcelles de safran, donc ça s'appelle des safranières. La première, ici, où j'ai planté 500 bulbes, il y a ici 3 ans, donc c'était 2 ans, hein, c'était en 2011, juillet 2011. Ici la deuxième parcelle, j'ai planté ça l'année passée, il y a 1000 bulbes ici. Et alors dernièrement on a planté au mois de juillet la dernière parcelle, donc c'est pas encore poussé, faut le temps. Hein. On a planté ça en juillet de cette année-ci, et là on a replanté 4000 bulbes. De safran. C'est safran, oui, donc c'est Crocus sativus, le nom exact. Et expliquez-nous qu'est-ce, d'où ça vient ce crocus En fait, on en trouve un petit peu partout le crocus. Donc l'origine exacte n'est pas bien connue, enfin n'est pas exactement définie, on va dire. Bon, il paraît que les Égyptiens l'utilisaient déjà pour ses vertus médicales, etc. Bon, maintenant, on peut retrouver du safran en Iran, en Irak. On en a en Grèce, il y a du safran en Toscane, on a ça aussi en Alsace, en France. Et en Belgique, on est 3 ou 4 safraniers. Donc je pense que je suis le plus petit. Mais bon, ici, moi, c'est une activité donc, complémentaire. Donc je fais ça avant, après journée et alors les week-ends. Mais je pensais que le safran, c'était une couleur orange d'office. Ben, j'y connais rien, évidemment. Et qu'on mettait ça dans les épices indiennes, genre... pour jaunir un peu enfin, le riz, rien à voir. C'est, enfin, ici, on ne peut pas le voir parce que c'est de la radio, mais regardez, en fait, on voit là la fleur de crocus qui est mauve, et vous voyez les pistils rouges, c'est ça le safran. C'est vraiment, c'est juste le pistil qu'on va récolter. Donc c'est la fleur est mauve, mais le pistil est rouge. Bon, bah, et tout ça, en fait, parce que c'est ça de particulier aussi, c'est pour ça aussi qu'on se rend compte, c'est que vous avez créé une bière avec ça. On a créé une bière safranée, donc c'est une bière blanche avec une touche de safran dedans. On a créé ça donc, en collaboration avec la brasserie de la Laisse. Donc, comment est-ce que ça m'est venu? Donc, j'avais toujours eu l'idée de faire une bière, parce que c'est quand même un produit... Qui est bien belge, hein. Et alors bon, je suis quand même un amateur de bière spéciale, donc pourquoi pas essayer de créer une bière. Et alors avec le concours, donc de, enfin le concours, la participation de la haute école de la province de Namur, de Ciney, on a créé une bière justement pour les 25 ans du baccalauréat. Donc ça a un peu accéléré mes projets en fait, donc on a essayé de faire une bière le plus rapidement possible pour pouvoir offrir cette bière-là au 25e anniversaire au mois d'avril de cette année. Et alors c'est pour ça que maintenant on a une bière safranée. Ok, c'est comme si c'était une commande un peu comme ça. C'est pas une commande, c'est en discutant avec le directeur donc de la haute école de la province de Namur. Il savait bien que j'avais un projet de faire une bière. Et alors, avec lui, on a regardé si c'était pas possible de la faire au plus vite. Parce que c'est quand même un sacré budget de se lancer dans un brassin de bière. Et il fallait justement la quantité de safran nécessaire. Allez, il faut une certaine quantité pour pouvoir faire un brassin, donc ça a un petit peu accéléré les choses, parce que bon, moi je pensais garder un petit peu plus de safran en réserve au cas où. Bon, ben ici j'ai mis presque toute ma récolte de safran pour faire ce brassin là. C'était peut-être un coup de poker parce qu'on ne savait pas exactement si ça allait être bon. On avait fait des tests. Bon, maintenant entre les tests et le brassin, c'est toujours un peu délicat, et ça s'est très très bien passé. Ici, ce qu'on va faire, c'est peut-être ajouter un tout petit peu de safran donc, à notre recette. Et alors, c'est prévu d'en refaire pour la fin d'année. Ah oui, moi je pensais que tu vois, tu étais un gars comme ça, un peu dans ton monde, qui avait décidé de faire une bière par toi-même. Il y a quand même une commande, on t'a aidé pour la faire. Et aussi, pourquoi du safran en fait, d'où ça devient cette idée? Je suis fils et petit-fils d'agriculteur, mais on n'a pas de terrain propre. Donc pour pouvoir avoir ma propre exploitation, donc à l'heure actuelle, je vais dire reprendre une ferme, etc., c'est pas possible. Donc je me suis dirigé vers une culture qui ne nécessite pas énormément de surface. Donc ben, vous voyez ici, ben, on est dans la pelouse, donc j'ai commencé dans la pelouse chez moi. Bon, ça fait quand même... dans la pelouse, il faut quand même une grande pelouse. Hein. Mais la démarche première, c'est ça en fait, hein. Donc toujours issu du milieu de la terre. Et alors, faire une culture sur le moins de surface possible, et que je sais faire moi-même. Donc ici, on plante nous-mêmes, on récolte, on entretient, on fait tout nous-mêmes en fait. Hein. Et le safran, pourquoi le safran? Parce que quoi, il faut des petites quantités, c'est ça que je comprends ou... Non, pas forcément, c'est parce que j'avais vu une émission un jour là-dessus. Allez, il y a déjà... Il y a 5 ou 6 ans facilement. Bon, j'étais toujours aux études, donc il faut un certain temps pour s'occuper de ça, etc. Donc je ne m'étais pas encore lancé. C'est ça qu'à la fin de mes études en 2011, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer. Et c'est là que j'ai planté mes 500 premiers bulbes. Et puis comment vous avez fait, tu as fait pour procéder à créer une bière? Je suppose qu'il y a un mode d'emploi évidemment. Comment tu t'es renseigné? Il y a pas de mode d'emploi. En fait, nous, on a commencé pas par la bière, on a commencé par faire des confitures. Parce que les confitures, on sait les faire nous-mêmes. Donc, les confitures de safran, rien à voir. On fait des confitures artisanales sans safran et on fait des confitures avec safran. Donc pour, ça nous a déjà donné une bonne idée pour voir les dosages, etc. Après la bière, moi je ne suis pas brasseur, hein, donc c'est un métier à part. C'est vraiment quelque chose, une recherche qui est quand même assez spécifique. Je n'ai pas l'équipement non plus. C'est vraiment un métier à part, brasseur. Donc c'est pour ça qu'on s'est associé avec la brasserie La Laisse pour faire notre bière. Donc c'est eux qui ont le savoir-faire au niveau brassicole, ça c'est eux qui le font. Moi j'ai apporté mon savoir-faire au niveau de la culture et alors du travail du safran, parce qu'on ne travaille pas n'importe comment, il ne faut pas casser les arômes, il faut vraiment le conserver d'une certaine façon pour qu'il puisse être utilisé dans la bière. Il ne faut pas le mettre n'importe quand au moment du brassage, etc. Donc c'est vraiment une collaboration entre moi et la brasserie La Laisse en fait. Et on peut la goûter où? Et ça s'appelle la Crocus, hein, c'est la bière La Crocus si je me trompe. En fait, la Crocus, c'est le nom qu'on a donné à la bière pour le 25e anniversaire, parce qu'on avait fait une étiquette spéciale. Donc ce nom-là, on a fait un brassin unique justement pour le 25e anniversaire du baccalauréat. Mais le nom de la bière, c'est la 4 Pistils. On peut la trouver, mais pour le moment, en fait, on est en rupture de stock. On est un peu victime de notre succès. Donc on avait fait un brassin de 600 litres. On n'en a plus. C'est pour ça que on avait plus de safran, donc on avait mis tout le reste de notre production de safran pour faire ce brassin-là. Et alors, maintenant, on attendait d'avoir les nouveaux crocus qui poussent pour avoir une quantité suffisante de safran pour pouvoir dire de refaire un brassin. Donc, on pourra la trouver. On travaille principalement, on ne vend rien à domicile, donc on n'a pas de magasin, etc. Ici. Mais alors, on travaille avec des petits magasins à la ferme. La petite campagne à Beauvais qui vend nos produits. Bon, pour le moment, ils n'ont pas de bière parce qu'on n'en a plus. Et alors, on travaille aussi avec la ferme de la Grosse-Haye. Donc, c'est une fromagerie du côté de Fosse-la-Ville qui vend aussi nos produits, etc. Et on fait toutes des petites confitures pour eux, pour mettre sur les plateaux de fromage, etc. Mais je vais peut-être vous laisser avant que le noir tombe. Ça va prendre longtemps de ramasser les petites pistilles Ça dépend. Aujourd'hui, il y en a quand même pas mal. Donc, à mon avis, ici, ça va peut-être me prendre, 20 minutes si je me dépêche. Et si je vous aide. À moins que ma patte n'y connaisse absolument rien, que je vais faire n'importe quoi. Non, mais en général, je préfère le faire moi-même parce que c'est assez délicat, en fait. Hein. Donc, il faut cueillir les fleurs, il ne faut pas faire tomber le pistil. Et alors, je laisse. Généralement, je fais. C'est très rare quand quelqu'un. Ma compagne, des fois, m'aide, mais c'est très très rare quand je laisse quelqu'un d'autre faire ça. Parce qu'en plus, il faut bien savoir comment sont plantées les lignes et il ne faut pas marcher sur les autres parce qu'il y en a encore des autres qui vont pousser. Donc, c'est très délicat. Vous allez voir, c'est. Mais pour vous rendre compte, tellement c'est délicat, il faut entre 150 et 200 fleurs pour récolter 1 gramme. Donc, j'avais déjà entendu ça. Donc ici, on va peut-être avoir, un demi-gramme aujourd'hui, un demi-gramme, à vue d'œil comme ça, on verra bien après, mais je vais cueillir ça, à mon avis, peut-être une vingtaine de minutes, on va essayer de se dépêcher. Et quoi, on cause encore un peu après, ou bien, c'est possible. Oui, il n'y a pas de souci, on peut, de toute façon après, c'est pas fini, une fois que j'ai récolté, je dois émonder, donc je dois séparer le pistil de la fleur, hein. Mais ça, on va peut-être le faire à l'intérieur, il y aura peut-être moins de vent. Pourquoi de l'électricité ? Pourrait venir voler ou quoi ? C'est vrai ? Un voleur, il faut déjà qu'il sache quoi faire avec déjà. On est tout le temps là, donc ça va être dur. Bon, un fil électrique, c'est juste en fait pour éloigner. Vous voyez, on est en pleine campagne. Donc, c'est pour ne pas que les lapins, etc., viennent faire des galeries dedans et n'abîment, ma future récolte. D'accord. Et juste pour ça, le fil. vous voyez, je le cueille délicatement, je le prends, la fleur, allez, en deux doigts, je pince, et alors après, à chaque fois, je les mets dans... J'ai un petit panier qui sert juste à ça, je les mets dedans, et ensuite, ben, j'ai mon monde à l'intérieur. Et vous voyez, on a chaque fois le... On voit ici le pistil rouge. C'est vraiment... Ici, on peut estimer qu'on a une qualité qui est quand même assez élevée parce qu'on a un pistil qui fait en général 3 à 4 cm. Donc, ce qui est considéré dans les critères de qualité comme allez, un pistil de qualité, plus, on peut dire, supérieur. Bon, maintenant, ça, c'est chacun qui voit. Nous, on est contents avec ces pistils-là parce qu'ils sont, allez, je vais dire, très beaux et on arrive bien à les sécher. Maintenant, pour faire les bulbes, donc on a fait une recherche pour voir quels bulbes étaient les plus appropriés au sol ici, au sol, au climat, parce que n'importe quel bulbe ne pousse pas ici. On a essayé différentes variétés, on en a qui ne poussent plus. Ouais. Donc maintenant, on a trouvé la nôtre, on va bien le garder pour nous, et on essaye de l'entretenir au mieux. Donc, vous voyez, c'est quand même assez grand. Ici, on a un petit peu de verdure. Non, c'est de la mousse. Dans la nouvelle parcelle, on a des crasses, des adventices, hein, donc des mauvaises herbes, qu'on va devoir arracher manuellement. Donc ça, c'est quand même un sacré entretien. En sachant que là, il y a presque... Allez, il y a 6 ou 7 arts à la main. Plus les deux parcelles ici. En comptant qu'il ne faut pas abîmer les bulbes qui sont en train de pousser. Hein, donc... Ouais, donc vous agrandissez aussi un peu le bazar, quoi. Ça devient plus grand là à côté. J'agrandis dans le sens, enfin c'est plus grand, ça va encore. Hein. Je pense que je suis pas le comme je l'ai dit à mon avis, je crois que je suis le plus petit safranier en Belgique, du moins en Wallonie. Mais j'agrandis parce que justement pour essayer de plus tomber à court au niveau de safran, comme je suis arrivé cette année-ci. La récolte peut être fort aléatoire, hein, donc en fonction du climat, etc. Enfin, du temps, pas du climat. Ça peut changer d'une année à l'autre, donc on aime autant prendre des précautions. Et puis le safran, il ne va pas périmer tout de suite. S'il est bien séché, on va pouvoir le garder de 2 ou 3 ans facilement. Donc ça, il n'y a aucun souci. J'aime autant en avoir un peu plus. En plus, un safran qui est un peu plus vieux aura plus le temps de développer ses arômes. Donc moi, j'ai des personnes qui m'ont déjà demandé du safran qui datait d'un an. Mais pour le moment, je ne sais pas leur en fournir parce que tout part au fur et à mesure. Donc, Allez, je vous laisse ramasser ou quoi ? Sinon, il va faire noir. Oui, on va faire noir tout de suite. C'est vous qui vous occupez de tout seul ? Ou bien vous avez des collègues ? Allô ? Oui, Philippe. Téléphone, voilà. Le téléphone qui vient toujours déranger, quoi. Ouais, c'est ce qu'on dit, je connais, hein. Non, la question, c'était, t'es tout seul, vous êtes tout seul, t'as pas de collègue qui t'aide, tu gères ça tout seul? Je gère ça tout seul. Bon, maintenant, j'ai ma compagne qui vient d'avoir fini à l'école, mais, qui m'aide quand elle a le temps. Maintenant, comme je disais, c'est une activité complémentaire, donc c'est beaucoup après journée, etc. Mais oui, je suis tout seul. C'est pour ça que j'essaye de me limiter aussi au niveau grandeur, parce que ben, c'est de l'entretien. Ça, c'est toujours délicat de savoir jusqu'où on peut aller et est-ce qu'il faut aussi s'en sortir. Le jour où mes 4000 bulbes vont sortir ici, ben, il va me falloir presque 2 heures tous les jours minimum. Sans compter l'entretien en fait, donc arracher les mauvaises herbes, etc. Donc ça, c'est plus le week-end. Mais rien que pour récolter et émonder et sécher, ça, il faudra bien, allez, on va dire, oui, 2 heures. Hein. 2 heures par jour, on va dire du 1er octobre jusqu'à la mi-novembre, en fonction de la saison. Et c'est tous les jours. Hein. Tous les jours. Ici, bon, il est, allez, on va dire, il est 5h30. J'aurais déjà dû les cueillir, j'ai attendu que vous veniez pour que vous puissiez voir comment ça se déroule, etc. Maintenant, j'essaye de les cueillir en fur et à mesure. C'est parce qu'aujourd'hui, il fait bon. S'il avait plu, c'est pas la même chose. C'est une fleur qui est vraiment délicate, donc il ne faut pas que le pistil ne soit en contact avec la terre, parce qu'on ne sait pas le laver. Donc, voilà. Allez, je vous laisse. Je le dis maintenant, je le fais. Et en fait, on ne voit pas, mais il y a un beau, ciel. Hein, mais les ciels de Belgique sont quand même beaux, quoi. Il y a des nuages, c'est vrai, il fait gris des fois, mais il y a aussi du soleil mélangé, puis il y a le ciel bleu, c'est magnifique, quoi. Ici, il y a un espèce de décor à 360 degrés, presque. De ciel, hein, de ciel, c'est rare. La classe, avec les crocus. Et voilà, on est à l'intérieur, hein. Avec le crocus. On va voir la suite de ce qui va se passer. Comment ça s'appelle encore ? Crocus sativus. Non, mais ce qu'on va faire ? On va émonder, donc on va séparer le pistil de la fleur elle-même, donc des pétales, etc. Donc ça, c'est le travail qui prend le plus de temps, parce que c'est tout à la main, c'est vraiment délicat. Il faut le pincer au bon endroit, donc vraiment ne pas garder la partie jaune, parce que cette partie-là, bon, il y en a certains qui la gardent, mais elle n'apporte rien du tout. Bon, pourquoi est-ce qu'ils la gardent ? Ben, en fait, c'est juste pour garder du poids, en fait. Donc ici, moi, j'aime autant avoir un petit peu moins et avoir un produit de qualité, donc je pince vraiment entre mes deux doigts à l'endroit où ça commence à devenir orangé. Comme ça, je suis sûr d'avoir un safran qui est pur. C'est quelque chose, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'en pense que c'est beaucoup de travail. C'est minutieux, c'est du travail, c'est... Mais quoi, c'est bien, c'est pas bien ? Ah, pour moi, c'est très bien. C'est très enrichissant, on a appris beaucoup de choses et... C'est très bon aussi. Ça, c'est une question de goût, hein. Mais voilà, c'est bien. Elle est là, ici. Voilà. Ça, c'est la bière. Donc ça, ouais, c'est la bière, la 4 pistils, donc, qui est brassée à la brasserie de la Laisse à Éprave. Donc ça, c'est avec l'étiquette donc, à notre nom, avec le nom que nous avons choisi. Donc, comme j'ai dit tantôt, donc, c'est une bière safranée, une bière blanche légèrement safranée. Donc c'est fait, il n'y a que du bon dedans. En plus, la brasserie de la Laisse à Éprave essaye de travailler avec des produits d'une origine. C'est pas bio, mais c'est je vais dire des cultures raisonnées, etc. C'est des très chouettes personnes. On s'entend bien, donc pour le moment on n'a pas de soucis. Ça se passe vraiment bien avec eux. Et d'ailleurs, bon, on va refaire un brassin d'ici quelques jours. On va remettre un brassin en route. Pour pouvoir refaire de la bière pour les fêtes. Ah ben oui, hein, ça va être les fêtes. Et tiens, moi je me demandais, donc tu es fils d'agriculteur. Oui, c'est ça. Compliqué ça aujourd'hui, hein, toutes les histoires. Est-ce que tu peux un peu raconter que... Vous êtes la maman ? Oui, j'ai ça. Oui. Fils d'agriculteur, c'est quelque chose de compliqué aujourd'hui. Hein. C'est compliqué, bon... C'est comme dans tout, hein. Il y a beaucoup de normes, de lois, et alors ben, les prix ne sont pas toujours à la hauteur du travail qui a été fourni, et pour en tirer un bénéfice suffisant, pour dire de pouvoir vivre ou survivre pour certains. Donc, mais, bon, maintenant, c'est, comme je dis, c'est dans tous les milieux, hein. C'est la crise pour tout le monde. Oui, mais disons que dans ce domaine-là, l'agriculteur, l'agricultrice, vous êtes non ? Je suis pas agricultrice, non. Je suis infirmière indépendante. Ah oui. Mais j'imagine que, oui, dans tous les métiers, c'est pas facile, machin, mais la terre, aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment un vaste sujet. C'est un milieu où on a du mal à, justement... c'est pas mettre de la valeur ajoutée, mais à fixer les prix. Donc, c'est pas comme, je veux dire, l'industrie pharmaceutique où eux, ben, ils sont un peu les rois dans leur domaine, de pouvoir avoir une grosse marge sur les prix de vente. Tandis que l'agriculture, ben, on reste toujours un peu coincé par la grosse industrie, en fait, hein, enfin l'industrie alimentaire. Donc c'est pour ça que pas mal d'agriculteurs essayent de se diversifier. Donc par exemple, en faisant des fromageries, en faisant du beurre à la ferme, etc. Ou des activités à la ferme, des gîtes à la ferme. C'est vraiment, on cherche vraiment maintenant la diversification et la vente directe. Donc produire local et vente locale et consommer local. C'est un peu la même démarche que je fais pour le safran. C'est bon, oui, on peut avoir du safran moins cher si vous le faites venir du Maroc, etc. Bon, maintenant, c'est pas du safran local. Il faut être sûr que ce soit du safran aussi. Parce qu'on a plus ou moins 80% du safran qui est vendu dans le monde. C'est pas du safran, c'est du safran qui est frelaté. Donc certaines études ont prouvé que dans le safran en poudre, comme on retrouve dans le commerce, il y avait de la brique pilée ou des stigmates de maïs. Donc il faut vraiment faire très attention à ce qu'on achète à ce niveau-là. Je ne vais pas dire qu'il faut être connaisseur pour trouver du bon safran, mais il faut aller chez la bonne personne pour être sûr d'en avoir du vrai safran. Pour en avoir pour son argent, en fait. Hein. Mais là, c'est vraiment un travail, parce qu'on ne voit pas, évidemment, c'est ça la radio, hein, mais c'est Anthony, il est là, avec je ne sais pas combien de pétales de crocus à essayer de retirer le safran, mais c'est quand même un peu un travail de malade mental, hein. Merci déjà pour le... Non, c'est pas... Non, mais c'est un truc minutieux, quoi. C'est vraiment... allons-y, quoi. Tu es là jusque quelle heure? Ah, je ne sais pas, ça dépend si vous avez le temps. c'est ce que je vous expliquais, en fait, tantôt. C'est vraiment minutieux, et c'est pour ça que je veux le faire moi-même, pour être sûr de garder vraiment la bonne partie du safran, et de ne rien perdre, en fait. Hein, parce que avec ce qu'on a là, on a vraiment une quantité infime. Et ici, oui, il me faut un certain temps. Surtout, je parle en même temps. Bon, heureusement que ce n'est pas la télévision, parce que sinon j'aurais du mal, mais c'est minutieux, oui, effectivement. Il faut être patient. Quoi, tiens, parce que j'ai fait attention tantôt, mais peut-être que je me trompe. Quand tu parles, donc c'est le papa alors qu'il est agriculteur? On me dit oui, et donc du coup, toi, ça a été peut-être plus difficile de reprendre le métier parce que compliqué, tout ça, machin. Enfin, tu vois ça comment? Ben, en fait, on n'a pas de terrain à nous, donc on n'a pas d'exploitation à nous. Hein, donc, c'est pour ça que aller reprendre une ferme, ça ne m'intéresse pas. J'ai un bon job, donc je ne me plains pas. Et. Bon, maintenant, avec ma diversification, il n'y a pas de souci. Moi, je suis content comme ça. Bon, je reste toujours dans le milieu agricole. Hein, j'ai toujours un pied dedans, etc. Mais je ne me vois pas reprendre une exploitation. Ce n'est pas le bon plan, l'exploitation. Mais c'est quoi que tu fais dans la vie, alors, toi, Anthony? Je travaille pour une coopérative agricole. Donc, qui comporte plus ou moins 2500 coopérateurs agriculteurs en Wallonie. Et voilà, je travaille pour... c'est toujours dans le milieu agricole, en fait. Hein. Donc, je suis responsable de site, d'un site, d'un dépôt, en fait, hein, céréalier. Et je m'occupe aussi, hors saison, de tout ce qui est sécurité des travailleurs. Et alors, au niveau de l'environnement aussi, donc tout ce qui est analyse de risque au niveau environnemental. Comme quoi, par exemple? Comme prévenir les fuites, etc. Voir, les fuites d'engrais liquides. Donc on va prévenir, comme on dit toujours, vaut mieux prévenir que guérir, pour avoir les installations conformes, pour être sûr de ne pas avoir de dégâts au niveau environnement, etc. Donc, en résumé, c'est ça. Bon, maintenant, pour la sécurité des travailleurs, c'est aussi, fonctionne par analyse de risque. Donc, je vais sur chaque site Et alors, je détermine les risques potentiels qu'il y a sur chaque site. Et alors, je rends mon rapport. Et en fonction de ça, on fait les travaux adéquats pour garantir la meilleure sécurité sur le lieu de travail pour chaque travailleur. C'est ça mon boulot, une partie de mon boulot. Oui, à côté de ça, tu es... Bah tiens, la maman s'y met aussi. Hein. Vous connaissez comment il faut faire maintenant, j'imagine. Hein. On a appris, oui, ça va, on a appris. Et puis on donne un coup de main quand même aussi. Ouais. Hein. C'est bien, hein. C'est gai aussi. Parce que tout seul, alors il en a pour beaucoup de temps. Hein. Et vous pensez quoi de la démarche comme ça de d'Anthony? Un peu foufou? Non, je ne crois pas que c'est un peu fou. Je crois que on pensait que c'était peut-être un peu risqué au départ, mais quand on voit quand même le succès, et puis le succès avec les produits, donc maintenant on doit le soutenir dans sa démarche. On doit l'aider à le soutenir. Parce qu'ici, c'est ça, c'est de la confiture alors. Ouais, ouais. Il y a de la confiture d'abricot, rhubarbe, ouais. Avec si, en fait, du safran dedans. On a toute une gamme de confitures traditionnelles, donc enfin, je veux dire, c'est artisanal, sans safran. Et alors, on a deux sortes de confitures, donc de la gelée de coin safranée. Et alors, on a de la confiture de framboise safranée. Donc, c'est juste ces deux confitures-là où il y a du safran dedans. Les autres, c'est des confitures, je veux dire, traditionnelles. Classique. Bon, c'est pas une confiture comme vous allez retrouver dans les grandes marques. Ici, on travaille sans additifs. Donc, on travaille du sucre de Tirlemont, en fait. Hein, donc, c'est du sucre belge. Et alors, avec des fruits... en général, on travaille avec des fruits... Enfin, en général, tout le temps, on travaille avec des fruits qui viennent de la région... par exemple ici, enfin, de la région ou directement d'ici, on a un conassier donc pour les coins, on a un framboisier, on a aussi tout ce qui est pomme, kiwi, un actinidia aussi en fait. Hein. Le kiwi, ça ne vient pas forcément des pays exotiques comme on nous a souvent répété. Donc il y a que du bon dedans. Et on essaye de travailler aussi avec le minimum de sucre possible. Donc, certaines confitures, ça dépend, hein, ça dépend des fruits, etc. On descend aller à un taux de sucre minimum, donc ce qui permet aussi aux personnes qui sont peut-être atteintes de diabète, etc., de pouvoir en manger. Quoi, ça goûte quoi? Ça pourrait goûter quoi? Une gelée de coin safranée, ça donne quoi dans la bouche, quoi? Ah, ça, c'est un goût unique, hein, le safran. Donc, comment décrire ça? C'est pas possible, hein, je vais dire. Non, ça, c'est... Je saurais pas décrire quel goût ça a. Bon, c'est un goût... avec 1 gramme de safran, on parfume de... On peut parfumer de 50 à 200 plats différents en fonction du plat. Donc, si vous faites un risotto safrané, bon, il faudra forcément moins de safran parce que le riz va directement prendre le goût et la couleur. Tandis que si vous travaillez le safran avec quelque chose comme qui est peut-être un peu plus fort en bouche, il faudra d'office mettre un peu plus de safran dans le plat. Maintenant, vous dire ce que ça goûte exactement, ça, il faut... acheter les produits. Il faut goûter, il faut pas acheter, il faut goûter. Ah ouais, vous pouvez goûter. Non mais c'est... Non mais pas là comme ça, non, mais c'est bon. Ouais, je pourrais essayer, sauf s'il faut que mon odorat, mon goût soit bien éveillé là maintenant. Comme ça peut-être que vous allez savoir décrire vous-même, vous allez peut-être savoir décrire mieux que nous, mais... Honnêtement, ça ne ressemble pas à quelque chose que je connais. C'est vraiment bien spécifique au safran. Mais ça s'accommode avec tout. Hein. On a essayé de faire on a fait un fromage safrané. Donc, justement, avec la ferme de la Grosse-Aye à Fosse-la-Ville. Donc, on a essayé. Bon, maintenant, c'était juste pour nous, pour voir si ça allait bien, etc. Il y a des confitures safranées, de la bière safranée. Il existe du chocolat safrané. on peut vraiment l'accommoder avec, enfin je vais peut-être pas dire tout, mais c'est une épice, donc il n'y a aucun souci avec ça. Ouais, attends, là... Est-ce que ça piquerait un petit peu au bout de la langue ? Non, non, ça ne pique pas. Ouais, j'en ai pas eu assez dans la bouche. Non, mais c'est difficile, hein, comme ça, de... Il faudrait que... Je préfère ne pas le... prendre une deuxième, parce que sinon, c'est-à-dire que je goûte bien Le coin safran. Je goûte bien le coin, mais j'arrive pas bien à goûter le safran. J'imagine aussi. Et vous ? Essayez. Je ne sais pas l'écrire. On ne sait pas l'écrire. Ouais. Vous le goûtez, oui ? Vous goûtez quelque chose ? Je goûte d'office les coins, ça c'est sûr. J'essaye de. Ouais, c'est pas évident, hein. Je goûte le coin, ça c'est sûr. Le safran, difficile, quoi. Ouais, il faudrait. Vous êtes jamais amusé à faire ça ? À goûter genre un coin, sans safran Si, on a déjà. Si, on a fait toute une recherche parce que justement, comme il en faut, ça peut vite être mauvais, en fait. Hein. Si on en met trop. C'est comme du sel ou du poivre, hein. Si on en met trop dans la préparation, c'est pas bon. Si on en met pas assez, ça n'a pas d'intérêt. Donc nous, ce qu'on a fait au départ, on a fait des tests et alors on a fait goûter à la famille, etc., aux amis, pour voir lequel dosage était le plus approprié. Et c'est celui qu'on garde maintenant, en fait, ce dosage-là. Donc, difficile de préciser le goût du safran, hein, quand même. C'est difficile, hein. Parce qu'à force d'avoir fait des recherches et de doser, on pourrait dire... Toi, Anthony, tu pourrais dire, tiens, mais le safran, en fait, c'est... Non, t'as pas quelque chose à dire là-dessus. Ça goûte quoi, le safran, en fait, si on doit mettre des mots dessus ? Ben, le safran, c'est déjà un exhausteur de goût. Oui. Donc, on a, dans la confiture de framboise, le goût éclate une fois qu'on met du safran dedans, parce que... Allez, je sais pas, le goût est multiplié, c'est vraiment délicieux. Mais écoutez un peu le coin tout seul. Ah ouais, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ça va, vous me rassurez. Vous me rassurez parce que si vous me dites que vous ne sentez rien, ça m'embêterait un peu. Bah oui, mais il faut, faut faire des essais, hein. C'est pas évident. Il faut faire beaucoup d'essais et alors il faut aussi demander justement l'avis à d'autres personnes parce que bon, on n'a pas la science infuse, donc il faut vraiment demander à son entourage pour goûter, donner son avis. Et puis nous, à force de le goûter, on ne le sent peut-être plus forcément. Donc c'est bien de faire des recherches et de demander toujours autour de soi ce que les gens en pensent. Et puis bon, c'est toujours le grand public qui va déguster nos produits. Donc c'est bien aussi de demander leur avis. Que rajouter sur tout ça pour conclure une petite phrase rien qu'à vous là sur en tout cas moi je vous souhaite de continuer là-dedans. c'est dingue comme histoire. Le safran en Belgique dans une bière, du fromage, des confitures. Que dire, le mot de la fin sur tout ça. Que dire ? Moi, je vais dire qu'il ne faut surtout pas hésiter à déguster et à poser des questions. C'est vraiment un produit qui demande à être découvert. Et que ce soit les confitures qui se laissent bien manger, la bière se laisse bien boire. Refusons de nous soumettre. La réponse à apporter se dessine d'elle-même. Non, coopération radicale à partir de maintenant avec le pouvoir. Refusons dès maintenant d'appliquer les lois, et de mettre en œuvre la politique qu'il nous impose, que nous soyons fonctionnaires, cheminots, enseignants, policiers, magistrats, élèves ou étudiants, ou encore que nous travaillions dans le privé. Car là aussi, nous devons appliquer des politiques ignobles, cela dans à peu près tous les secteurs, y compris dans l'édition prétendue bastion culturelle. Merci, merci Antoine. Mais bienvenue à tous. Vous êtes ici dans l'ASBL Sans Équivoque, qui est une ASBL qui est un projet en permaculture. C'est une première, donc il faudra en essayer de mettre tout pour que vous soyez bien accueillis, etc. C'est quand même assez bonne franquette, hein, je dois avouer. C'est un peu intérieur camping comme ça. Mais bon, ben, le lieu est comme il est, donc on a essayé de faire avec ce qu'on avait. C'est première Belgique francophone. Nous espérons pouvoir, en fonction de votre, de l'évaluation, aussi bien des stagiaires que des formateurs, ben, nous espérons pouvoir réitérer l'action peut-être 2 voire 3 fois l'année prochaine. Donc, vous êtes dans un centre de formation en agriculture écologique, projet permaculture. C'est un jardin didactique et pédagogique, donc c'est plutôt un jardin de sensibilisation et pour diriger en fait les personnes qui font soit de la formation en maraîchage ou en agriculture ou en ouvrier de la nature vers des formations plus qualifiantes. Donc on est vraiment un petit lieu de touche à tout quoi. Donc on essaye d'organiser régulièrement des petits chantiers en éco-bioconstruction, mare, etc. Pour pouvoir faire de l'action. Nous sommes un lieu de woofing, donc vous pouvez venir vous impliquer dans le lieu en échange de logement et de nourriture. Qu'est-ce que je peux encore dire ? La formation est organisée en collaboration avec Steve Reed, qui fait partie de l'Université populaire de permaculture France. Il a déjà organisé plusieurs formations un petit peu partout dans le monde. Nous avons aussi des intervenants du réseau de permaculture francophone Belgique, puisque l'année passée, il y a eu une première formation en design et nous sommes en train d'essayer de créer un réseau de personnes qui ont envie de s'impliquer et qui ont des compétences différentes pour pouvoir justement essayer de monter des projets ou d'aider au montage de projets en permaculture ici. Nous avons des intervenants extérieurs aussi, notamment Rudolf Kuchli, qui est de la ferme Arc-en-Ciel, qui est un agriculteur biologique en permaculture. Donc je vous invite à aller lui rendre visite à ses portes ouvertes, c'est fin août. Il a un site qui est très bien fait. Il va y avoir pour l'éco-bioconstruction une architecte, Bénédicte Dossin, qui est du groupe de Nature et Progrès, cellule éco-bioconstruction. Donc on a essayé vraiment d'avoir des personnes avec des compétences chaque fois bien particulières pour que vous ayez un maximum d'outils pour pouvoir, si vous le désirez, démarrer des projets en permaculture dans vos lieux ou dans d'autres lieux. Donc il y a Daniel Blanc qui va faire la partie sol. Je vais la laisser se présenter peut-être. Et puis il y a Steve qui est présent et les autres intervenants vont venir au fil de la formation. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me poser des questions. Enfin, c'est moi la personne de référence sur la formation. S'il vous manque des choses ou quoi, c'est moi qui m'occupe de l'intendance, quoi. Oui, bonjour, moi je m'appelle Daniel Blanc. J'ai suivi la formation l'année passée, donc comme vous le faites cette année. Mais depuis plusieurs années aussi, je pratique dans mon jardin familial. J'ai un jardin potager. Et donc cette année-ci, je vais présenter la partie qui concerne les sols, sans dire que je suis plus spécialiste en sol peut-être qu'en autre chose. Mais ça m'intéressait vraiment d'approfondir cette partie-là, parce que c'est vraiment essentiel. On en reparlera plus tard. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Que dans ma vie de tous les jours, je travaille dans un centre d'éducation à l'environnement. Et donc là, j'accueille avec toute une équipe des classes pour faire tout ce qui est éducation à l'environnement au sens large. Voilà. Bonjour. et bienvenue. Et ça, c'est le sixième cours de cette année à travers l'université populaire avec moi. Ça fait maintenant 17 ans que je suis dans la permaculture. J'ai fait un cours de formation au Pays de Galles. C'est à côté de l'Angleterre. Et depuis, j'ai pas arrêté. Après ça, je suis parti à Londres. J'ai fait beaucoup de choses là-bas. On a fait beaucoup de choses là-bas. Création des petits lieux, des écolieux, des selles, des gaz, des gac. Et depuis ça, je suis un peu partout sur la planète en train de poursuivre le métier d'être designer de systèmes durables, soutenables apparemment, disons, en Belgique. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est un petit exercice. On va se diviser en groupe de deux. Et choisissez par préférence quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et puis là, juste on va se présenter l'un à l'autre. Et puis ça va durer 3 minutes 25 secondes. Et puis après ça, là, on change et puis on fait dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est un truc, un exercice de parler pour celui qui parle et d'écouter sans parler pour celui qui écoute. D'accord ? Et juste se présenter un petit peu comme ça. Allez-y. Moi, je vais prendre quelqu'un que je connais pas alors. Non, ça va, pas pour le moment. Moi, j'avoue que le côté micro, je suis pas sûr de trouver ça très, très chouette. Oh non. Voilà. Non, mais c'est pas. En fait, on s'en fout du micro. Ce qui est intéressant là-dedans, je veux dire, il n'y a pas de caméra, c'est vraiment la pensée, on rentre dans l'univers de chacun. C'est pas le micro qui m'enregistre qui me fait. Qui me fait peur, c'est le fait d'avoir un truc comme ça. Touche-le. Ah. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai, ça crée une espèce de barrière, je trouve. Mais non, salut. Je le mets en plus comme ça. Donc, c'est Geneviève. Ça m'a tilté. elle a vraiment envie de lâcher, je pense, après une année de boulot. Donc, je pense qu'elle est là pour ça aussi. Et qu'est-ce qui m'a tilté d'autre? Elle vient de Cours-Saint-Étienne. Et elle est très enthousiaste, aussi parce que sa sœur a fait la formation, etc. Mais elle a du mal à expliquer aux autres, je pense. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui reviendra peut-être dans les conversations, mais parce qu'on est tout enthousiaste, puis je vais faire un stage en permaculture, puis tout le monde est tout content, mais et c'est quoi J'expliquerai après. Donc c'est Sandrine. Elle a habité longtemps à Bruxelles et elle s'est rendue compte un jour qu'elle avait besoin d'autre chose et donc elle est partie à la campagne, elle a acheté un terrain et la première chose qu'elle a fait, sa maison n'est pas encore construite mais le potager est déjà là. Et voilà, et donc elle vient en savoir plus pour aménager le jardin, le potager et tout le reste. Voilà. Suivante. Ah oui, oui, non, c'est bon. Daniel, alors trois choses, elle a un grand voyage prévu avec toute sa famille au Mexique cette année. Elle a ajouté une annexe à sa maison en éco-auto-bioconstruction. Et donc, ce que j'ai vraiment retenu, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'être dehors, quoi. La nature, les plantes, le potager, l'environnement, tout ça, c'est vraiment essentiel dans la vie de Daniel. Voilà. Alors, Émilie, elle aime peindre. Elle a un projet en agriculture, en production d'agriculture. Elle a un projet aussi intergénérationnel, donc de mettre des gens en contact entre générations. Donc c'est Lise. Et ce que je retiens, c'est qu'elle recherche un endroit pour faire un projet de produits de lin avec la permaculture, peut-être même un bois ou... qu'elle anime notamment une démarche collective d'un quartier sur Bruxelles avec toutes les difficultés que ça comporte. Voilà, si je devais dire trois choses, ce serait ça. Une ferme en biodynamie où il aide l'agricultrice à faire du maraîchage. Et donc là, il se lance très prochainement dans carrément... la permaculture, puisqu'il a acheté un hectare 30, ouais. C'est ça, un hectare, un peu plus d'un hectare, juste à côté de la ferme. Et alors l'idée, c'est vraiment de faire son truc sur son terrain, mais aussi de mettre en commun les efforts avec l'agricultrice en question. Voilà. Donc un chouette projet en perspective. Xavier, donc, j'ai surtout retenu une certaine fascination pour la nature, envie de s'en rapprocher, et voilà, envie d'approfondir dans ce domaine-là, en tout cas. Voilà, je vous présente Geoffrey. Geoffrey, il vient de Bruxelles. Geoffrey, il a toujours aimé la nature, se promener dans les bois. Il m'a dit, il a fait l'année dernière, il a fait un stage ici. Voilà. Et voilà, il a envie d'explorer des modes de vie plus près de la nature. Il ne croyait pas que ce serait possible de vivre près de la nature dans la Belgique. Et c'est ce qu'il essaie d'explorer plus. Voilà. Alors, Valérie, ce qui m'a frappé dans ce qu'elle a dit, c'était que... Elles vivent apparemment dans Bruxelles et puis qu'elles veuillent faire un lieu où, qui est très proche de la nature avec de l'éco-construction et un jardin. Et je ne pensais pas que c'était possible à Bruxelles. Et puis ce qui m'a frappé aussi, c'est son désir de changer de vie et sa passion pour ça. Voilà. Je vous présente Françoise, qui vient de Paris, qui a pris un moment sabbatique par rapport à son travail, et qui va d'endroit en endroit pour à la fois travailler, apprendre. Et Françoise cherche à monter un projet ensemble avec des gens. En permaculture. Ça fait bizarre. Oui. Alors, je vous présente Sophie, qui est la locale du groupe, puisqu'elle habite pas très loin d'ici. Elle est maman de petits-enfants de 3 et 5 ans. Et elle connaît Fabienne depuis pas mal d'années. Et elle est à un moment de sa vie où elle a envie de changer en fait, son travail d'éducatrice vers quelque chose d'autre. Et peut-être il y a un projet avec Sans Équivoque de venir faire un jardin avec des personnes handicapées. Et aussi cette formation peut-être avec sa voisine pour faire un petit jardin à côté de chez elle en collaboration avec la voisine. Voilà. Cécile, qui a un projet d'aller vivre dans les Alpes, dans la maison familiale où il y a beaucoup d'espace pour faire de la permaculture. Et tu fais du yoga. Oui. Tu as beaucoup voyagé et tu as besoin de te poser quelque part et de sentir des racines. Et c'est comme ça que tu as le projet d'aller vivre dans les Alpes et d'apprendre la permaculture pour la développer là-bas. Ouais. Ah, pardon. Désolée. Raphaël, la chose qui m'a... beaucoup... Raphaël il a... En fait, j'ai pas laissé trop parler Costel, il a pas grand chose à dire, c'est ça le problème. Explique-toi parce que. Ah, ça c'est sympa, ça on va inverser les rôles. Ouais, voilà. Le truc me gêne, veux dire. Je perds mes moyens quand j'ai une caméra ou à tout ça. Il n'y a pas de caméra là. Enfin, oui, mais je veux dire, un micro, une caméra. Ah, ouais, ça, pas quoi. Bah donc j'ai dit à Costa... Ouais, vas-y. Alors Costa m'a dit aussi qu'on avait un petit peu quelque chose qui nous liait quelque part, c'est d'une part d'être ici d'abord évidemment, mais surtout d'avoir pris conscience des problèmes alimentaires que tout le monde... par contre n'ont pas conscience, donc à savoir que tout le monde mange un peu tout et n'importe quoi. Et que donc il y avait une sensibilisation par rapport à ça, qui est quand on parle de problèmes de société, etc., de la conscientisation que les gens n'ont pas suffisamment. Donc le but, c'est un petit peu d'aller vers eux et de commencer peut-être par ce simple détail, qui en soi est un énorme détail, qui est l'alimentation d'abord, quoi. Et donc la prise de conscience, je pense, de l'alimentation peut amener ensuite au respect de tout ce qui tourne autour, quoi. Ça c'est un petit peu, enfin je sais pas si tu es toujours d'accord, tout à fait, quoi, voilà quoi. Et donc effectivement, on s'est retrouvé à parler d'un autre endroit où on parle pas mal de, énormément même de permaculture, qui est à Moucron, donc tout le monde connaît les fraternités ouvrières, et donc et c'est drôle parce qu'on s'est retrouvés tous les deux à découvrir cet endroit finalement un petit peu au même moment, à savoir cette année quoi. Donc Costa, Raphaël, ou Raphaël Costa, c'est un peu comme vous voulez. Voilà. J'ai rencontré Annabelle qui vit à Bruxelles. Et alors elle est en démarche depuis un voyage en Mongolie où elle a rencontré son mari. Qui est américain, enfin bon, elle est bruxelloise, tout le monde a des tares. Donc ils sont en démarche et ils ont un grand projet de faire le tour du monde en vélo l'année prochaine, ou fin de cette année-ci. Et alors elle est contente de pouvoir prendre des distances par rapport au monde qui l'entoure pour le moment, qui est en surconsommation, qui est surtout en surconsommation, je crois. Voilà. Alors voici Olivier qui s'est tout de suite présenté en expliquant qu'il avait 3 enfants, donc d'un an, 3 ans et 5 ans. Pour le moment, il est papa au foyer, mais c'est un foyer un peu spécial parce qu'avec sa femme et ses enfants, ils viennent de commencer un projet d'habitat groupé près de Rochefort. Et donc avec l'idée d'avoir un verger, éventuellement quelques animaux et puis un potager. Donc c'est pour ça qu'il vient ici, c'est pour s'informer, pour pouvoir créer son propre projet. Voilà. Ça c'est Clara. Elle habite en Portugal, elle est venue ici seulement pour cette semaine pour la classe, mais elle a aussi, ses parents sont belges et donc elles viennent en fait chaque année pour voir la famille. Oui, elle habite au Portugal. Son père a un projet permaculture chez lui, donc elle s'est intéressée de venir ici pour apprendre plutôt le côté pratique pour qu'elle puisse travailler avec lui après. Elle connaît un peu déjà les théories, les principes en gros. Et oui, elle commence à l'UNIF l'année prochaine. Elle pense de commencer l'UNIF, mais peut-être en anthropologie, quelque chose comme ça. Donc voici Dave l'Américain, le mari d'Annabelle. Voilà. Donc ce qui m'a marqué le plus, c'est justement leur projet de voyage écologique en plus à vélo. Je trouve ça super sympa. Et évidemment, j'ai retenu qu'il a fait de la sociologie, anthropologie, donc on aura des idées à s'échanger. Et donc il est venu faire ce cours. Donc en voyageant, il va non seulement apprendre, et après ce cours, il aura aussi quelque chose à transmettre en voyageant. En tout cas, bonne chance pour le voyage. Merci. Voilà, donc c'est je vous présente Antoine. La première chose qui m'a frappé, c'est qu'il ne savait plus dire où est-ce qu'il était né. La première chose qui m'a frappé, c'est qu'il ne savait plus me dire où est-ce qu'il était né. Après ça, il a beaucoup voyagé sur différents écolieux où il a participé. Et la troisième chose, c'est qu'il était à la Sorga. Il a organisé aussi un cours comme ici avec Steve en Dordogne. Donc voilà David. David est encore aux études. Il a essayé de faire des biologies, mais ça ne l'a pas plu. Donc maintenant, il se dirige vers l'éco-bioconstruction. Il aime beaucoup le sport, équitation et surf. Voilà. Josh, qui vient du Québec. Il est dans la minorité canadienne, mais en plus c'est dans la minorité du Québec, il est québécois anglophone, je savais même pas que ça existait. il a 20 ans, il est ici en Woofing, donc il est là pour faire du volontariat, mais aussi je lui ai proposé de participer à la formation en tant qu'observateur, parce qu'il est déjà très très loin dans sa démarche, en tout cas de réflexion pour aller vers une vie en respect avec la nature, etc. Pour ses 20 ans, chapeau. Et il a un projet de faire de l'agriculture biologique, enfin des études universitaires en agronomie biologique. Il a la chance qu'au Québec, il y a cette section. Et de faire des projets de coopération pour aider le monde. Donc voilà, ça c'est Josh. Alors je vous présente Fabienne. Fabienne aime parler beaucoup, mais c'est bon parce qu'elle est très intéressante. Elle a toujours quelque chose d'intéressant à dire. Elle monte un projet comme ça, c'est magnifique. Elle enseigne à beaucoup de personnes à vivre plus équitablement. Elle organise des GAC pour justement apporter de la nourriture biologique à un bon prix à beaucoup de gens. Elle donne beaucoup de son temps pour des organisations pour justement aider le monde. Et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect. Bonjour, je vous présente Isabelle. Elle a un projet à court terme et un projet à long terme. J'ai pas retenu tous les noms brésiliens des lieux où elle compte créer ses projets, mais bon, voilà, elle est bientôt en partance pour le Brésil. Elle fait ça en couple, mais c'est quelqu'un d'autre qui présentera son mari. Et puis aussi, elle a fort envie de se poser, elle a déjà commencé à se poser, donc je pense qu'elle est bien, partie sur la bonne voie. Merci. Je vous présente Marc. Marc est ici pour ajouter de la cohérence à sa démarche, qui est déjà bien avancée. Au niveau professionnel, il est permanent dans l'association Les Amis de la Terre, et il est particulièrement impliqué dans un projet qui s'appelle « Ville en transition », pour lequel il lui semble que la permaculture est vraiment l'approche privilégiée. Et en plus, au niveau personnel, il est fort impliqué également, puisqu'il est en recherche de toujours plus d'indépendance au niveau énergétique. Et il est en habitat groupé, ce qui lui permet de toucher le plus possible à la terre et de vivre le plus en respect possible avec la nature. Je vous présente Diana. Je dois dire que j'ai un peu retenu, mais non, pas à cause de ça, mais c'est parce que j'ai pris sous un angle, puisqu'elle est bruxelloise. Malheureusement, a-t-elle dit, elle n'a plus de potager. Je crois que beaucoup de Bruxellois ici rencontrent la difficulté d'avoir soit un jardin, soit etc. Donc, et néanmoins, c'est quelque chose qui l'intéresse et qui fait qu'elle s'est inscrite aussi à ce cours. Sinon, elle travaille à Molenbeek comme dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments. Je vous présente Michel, qui est donc le compagne ou mari, je ne sais pas, d'Annabelle. Leur projet est commun, donc de partir au Brésil et d'aller visiter un maximum d'organisations qui sont dans la permaculture. C'est la raison pour laquelle ils sont inscrits ici, pour éventuellement arriver là-bas avec déjà un minimum d'acquis et pouvoir participer de manière plus pratique aux endroits qu'ils vont visiter.